Radiomatic. La transmission 380 d'Audiomatic s'ouvrait sur la pièce Sumo Rimi, issue de la collaboration entre les projets Subheim et Monologue. La collaboration prend forme sur le mini-album intitulé Conviction. C'est la musique de John Coltrane qui assure la continuité à Audiomatic. Thank you. We'll be right back. brings a smile, I'm lost again. I'm lost again. I'm walking down, I'm upside down. You're in the air, you're in the air. I am breathing Audiomatique, nous entendions le groupe américain R.E.M. qui nous offrait sa composition You're in the Air, qui se retrouve sur son 11e album studio Up, sorti en 1998, et qui est le premier album du groupe sans Bill Berry, le batteur qui a quitté R.E.M. en 1997 à cause de problèmes de santé. Tout juste avant, c'était bien sûr John Coltrane et sa composition Mr. PC de son 5e album Giant Steps, paru en 1960. La pièce Mr. PC a été composée par John Coltrane en hommage au contrebassiste Paul Chambers. Et c'est maintenant la formation Collocutor menée par la saxophoniste Tamar Osborne qui nous livre sa réinterprétation de la pièce Black Satin, originellement composée par Miles Davis. « Thank you. Audiomatic, cette séquence de deux pièces se concluait sur la musique de la formation Antiloper, menée par la trompettiste Jamie Branch et le batteur Jason Navarri. La composition que nous avons entendue s'intitule Little Curve et apparaît sur l'album Kudu, originalement sorti en cassette en 2018, mais réédité en vinyle en 2022. Avant Antiloper, c'était le groupe Colocutor et sa reprise de la pièce Black Satin, composée à l'origine par Miles Davis et apparaissant sur l'album On the Corner, sorti en 1972. Quant à la réinterprétation de Colocutor, elle se trouve sur le mini-album qui porte le nom de la pièce Black Satin et qui est paru en 2017. C'est au tour du duo anglais Orbital de se faire entendre à Audiomatic. kite. These matters of security, you don't have to be wound so tight. Smoking on the balcony, but it's like sleaze in the park. You women, you have no self-control. We angels remark outside. You are known for insatiable needs. I don't know a thing. I've seen. Nous vous avons offert à Audiomatique la musique du groupe new-yorkais Interpol de son troisième album Our Love to Admire, paru en 2007. Nous avons entendu la chanson Pace is the Trick. Tout juste avant, c'était l'artiste anglais Mark Francombe qui a été guitariste du groupe Cranes de 1990 à 1999, donc pendant une période de 9 ans, de son album solo The Last Vestiges of Taste, lancé sous le pseudonyme Mark Red en 2002, puis par la suite sous son véritable nom Mark Frankumb, nous vous avons présenté la pièce Grizzle. Et pour débuter, nous avions droit au duo anglais Orbital et sa composition Tunnel Vision, que l'on peut retrouver sur son 7e album studio Blue Album, qui a été commercialisé en 2004. Cette transmission d'Audiomatique numéro 380 se terminera en compagnie de la formation québécoise Milk and Bone et sa pièce Sad Eye, tirée de leur album Deception Bay, qui est paru en 2018. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors, dans l'attente de la transmission 381 d'Audiomatique, voici Milk and Bone et sa pièce Sad Eye. C'était Audiomatique avec les sonoristes. And I'll meet you always in